Fresno. Où je veux, quand je veux, où je veux, quand je veux. Ouais, yeah. Où je veux, quand je veux. Paysage hostile, faut que je file. S'il est pas trop tard, quitter la ville sur le périph', aller plus vite qu'un motard. La gare la plus proche, indique-la moi et je prendrai le train en marche. Un aéroport, et dans la soute à bagages, je me cache. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Dans un 4x4, en 2-2, avec ou sans carte routière. En sous-marin, je m'en irai, la voir voler, je le nierai. Et s'il m'incarcère, dans un hélico, je m'évaderai. Je partirai par tous les moyens, transport en commun, taxi ou vélo. En turfois, les veaux s'il le faut, rien ne m'arrêtera. En Lada ou Carrera, en TGV ou bien à pied, j'irai toujours où je pourrais aller. Sur le balai d'une sorcière, faire des roues arrière dans la rue. Sur un tapis volant ou un cheval qui tire une charrue. Dans un chariot de supermarché, une fusée qui va vite. Je mettrai le son à fond et je remonterai les vis. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher et je le ferai. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Jurer, je le pense, partir courir ou bien rouler. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Y aller franchement, droit devant, ne plus reculer. Où je veux, quand je veux, quand je veux m'en aller, m'en aller. Rien ne peut nous freiner. Paysage hostile, faut que je file. J'esquive la turbulence. Faut que je fasse de la simulation pour m'évader en ambulance. Avec ou sans moteur, sur le vélo du facteur. Dans un camion poubelle, dans un cab ou dans un tracteur. Je briserai les limites, dans l'air, sur terre et sur l'eau. Croisière sur le Titanic ou sur les bosses d'un chameau. Dans la ville ou dans le désert, dans la poussette du petit frère. La Citroën du grand-père ou dans le container à Robert. Je veux aller où je veux, quand je veux. En luge ou en roller, sauter les barrières et mettre des feintes au contrôleur. Pieds nus ou en basket, en babouchon. En claquette, dans un vaisseau quelconque ou le bobsleigh des Rasta Rockets. Dans la poche d'un kangourou, la plus classe des limousines. Dans le caddie de la voisine, la curieuse qui parle beaucoup. À fond la caisse on frétille, comme un Moclet sur deux billes. Avec vitesse sans précipitation et sans régie. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher et je le ferai. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Jurer, je le pense, partir courir ou bien rouler. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Y aller franchement, droit devant, ne plus reculer. Où je veux, quand je peux m'en aller, peux m'en aller. Rien ne peut nous freiner. Dans une navette spatiale, un 103 spécial est trafiqué. Un quart de police, K2000 ou le dos à Mickey. Qui veut aller loin, doit ménager sa monture. Moi je m'en vais d'ici même si y'a que 3 roues à la voiture. Tu sais qu'on part de zéro et que la vie réserve le pire. Qu'un jour il faut partir même sur le cheval à Zorro. Sans passeport, sans papier, sans visa, voyageons. Dans le camion des pompiers ou le carrosse de Cendrillon. Avec mes skis, esquiver les pièges, me sauver en scooter des neiges. Arriver à bon port, caché dans la cale d'un chalutier. En PMA 240 sur l'autoroute du soleil. Je réveillerai dans mon cœur le voyageur qui au fond sommeille. Avec les lianes de Tarzan, je traverserai la savane. J'oublierai le macadam, pas la police ni ses agents. Un de ces quatre je m'en irai, pas sur un fauteuil roulant. Franchement chez nous tu connais, on va toujours de l'avant. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher et je le ferai. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Jurer, je le pense, partir courir ou bien rouler. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Y aller franchement, droit devant, ne plus reculer. Où je veux, quand je peux m'en aller, m'en aller. Rien ne peut nous freiner. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher et je le ferai. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Jurer, je le pense, partir courir ou bien rouler. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Y aller franchement, droit devant, ne plus reculer.